entier. La tortelle, la sardine blanche, l'autre le jaune baudrier. Le premier dit d'un ton sonore, le temps est beau pour la saison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. La gloire est une couronne faite de rose et de laurier. J'ai servi Vénus et Bellone. Je suis époux et brigadier. Mais je poursuis ce météore qui vercole si des châteaux. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Puis ils rêvèrent en silence. On n'entendit plus que le pas des chevaux marchant en cadence. Le brigadier ne parlait pas, mais quand revint la parole,